répliques, des visages sur les mots, des suppliques. Arrive le chahut médiatique, des visages, des mensonges, des comiques. Ton prochain tend la main et d'un bout de papier fais-moi roi. Je promets le coucher et le pain. Je promets à celui qui me croit. Vienne le temps des ombres affamées que la soif du pouvoir fait lever. Arrivent les caresses imposées, des paroles, des promesses, bon marché. Pense à moi, mon ami, fais-moi roi. Je promets de ne penser qu'à toi. Fais-moi roi, mon ami, pense à moi. Je promets si t'y crois. Tout ça c'est bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Je suis nu devant toi, je suis là. Et je pense, mon ami, comme toi, tes besoins deviendront mon combat. Fais-moi roi, camarade, aie la foi. Aime ton prochain, tends la main, et d'un bout de papier, fais-moi roi. Aujourd'hui tes soucis sont les miens. J'ai simplement besoin de ta voix. Pense à moi, mon ami, fais-moi roi. Je promets de ne penser qu'à toi. Fais-moi roi, mon ami, pense à moi. Je promets, t'y crois. Moi, mon ami, fais-moi roi. Je promets de ne penser qu'à moi. Fais-moi roi, abruti, pense à moi. J'ai menti, mais t'y crois.